Quelquefois c'est de l'eau qui coule au bord des yeux, mais souvent c'est un mot qui dit trop ou trop peu. Parfois l'indifférence d'un regard sans passion, un peu plus qu'une absence, un faux oui qui dit non. Une envie de partir sans savoir où aller, une envie de mentir pour éviter d'aimer. Attendre qu'il se couche, allumer la télé, se désaimer en douce, lentement s'éloigner. On s'apprend, on s'écoute, on se quitte, on revient. On est sûr, puis on doute, on se laisse, on se tient. On se détruit, on s'aime à deux, on ne fait qu'un. Mais c'est toujours pareil, un jour de trop qui passe, et puis on n'est plus rien. C'est les amis qui passent de moins en moins souvent, le temps qui prend la place des plus tendres instants, l'ennui des choses simples qui préservaient avant, les douleurs et les craintes de se perdre vraiment. Et puis les souvenirs qui rongent le silence, éparpillent les désirs, cachent l'indifférence. L'impression d'être seul, comme un enfant fragile, léger comme une feuille, et perdu comme une île. On s'apprend, on s'écoute, on se quitte, on revient. On est sûr, puis on doute, on se laisse, on se tient. On se détruit, on s'aime à deux, on ne fait qu'un. Mais c'est toujours pareil, un jour de trop qui passe, et puis on n'est plus rien. On s'apprend, on s'écoute, on se quitte, on revient. On est sûr, puis on doute, on se laisse, on se tient. On se détruit, on s'aime à deux, on ne fait qu'un. Mais c'est toujours pareil, un jour de trop qui passe, et puis on n'est plus rien. On s'écoute, on se quitte, on revient. On est sûr, puis on doute, on se laisse, on se tient. On se détruit, on s'aime à deux, on ne fait qu'un. Mais c'est toujours pareil, un jour de trop qui passe, et puis on n'est plus rien.